et donc une conférence sur la croissance supramentale. J'insisterai peut-être un petit peu pour que les gens s'informent, ceux qui n'ont jamais participé au programme Maître Contrôleur. C'est un séminaire auquel j'ai assisté par épisode, parce que je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais je fais irruption de temps à autre dans les classes ici. Et c'est de tous les séminaires auxquels j'ai participé, certainement celui qui est le plus complet sur tous les plans. Je ne vous demande pas de me croire, simplement que, vous savez, vous connaissez peut-être l'adage qui dit plus vous croyez, moins vous croissez. Ou plus il y a de croyance, moins il y a de croissance. Et on va rentrer dans ce sujet ce soir. Mais je vous demanderai de vous informer aussi auprès de Mario Gosselin pour tout ce qui touche aux séminaires, aux sessions d'alchimie, aux ateliers de Gematria également, toute information que vous avez besoin. Donc à la pause, ce sera Mario Gosselin qui est assis à la table là. Alors on accueille maintenant, sans plus tarder, comme il se doit, Monsieur Daniel Kemb en compagnie de Guy Camiret. Merci, bonne soirée. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous pour et bienvenue à cette conférence sur la croissance, l'évolution de la conscience supramentale. Hein? Oui, c'est un bon synonyme de la croissance supramentale. OK. La conscience supramentale par elle-même, donc disons ce qu'on en connaît, c'est qu'on sait que c'est une conscience... On n'en connaît rien. Pas grand-chose, hein, ou rien. C'est quand même une conscience qui est hors temps, je veux dire. Donc, quand elle se manifeste dans l'homme, Daniel, elle est sujet aux lois de l'homme, mais est-ce qu'on peut en évaluer les étapes, disons? Disons premièrement qu'en ce qui concerne la croissance supramentale ou l'énergie supramentale dans l'homme, la majorité des personnes qui ont eu vent du mot supramental ou mental supérieur dans l'ancienne étymologie ésotérique ne connaissent vaguement qu'une interpolation de la conscience astrale. C'est-à-dire qu'ils ont un concept plus ou moins défini de ce que devrait être cette conscience supramentale, mais en réalité, ils ne connaissent absolument rien de l'état même de la conscience supramentale. Nous allons aborder ce sujet ce soir d'une façon plus ou moins supramentale, c'est-à-dire que nous allons essayer de décortiquer tout autour de cette croissance supramentale les états qui tentent à imiter la croissance supramentale, mais qui amènent l'homme dans une croissance astrale, donc dans un assujettissement complémentaire de ce qu'ils ont déjà à vivre comme assujettissement. C'est-à-dire que l'homme est déjà l'esclave de formes conceptuelles d'évolution, et plus l'homme se rapproche de cette idée de conscience supramentale, plus l'homme s'esclavagit, disons, plus l'homme va s'écraser sous le poids de son astral, de ses concepts astrales, et plus l'homme va s'éloigner de cette croissance ou conscience supramentale. Tu veux-tu dire qu'il va jusqu'à alourdir sa vie si en plus il ajoute cette mémorisation en plus de celle qu'il a déjà? Alors, à partir de cette conférence ce soir, nous allons aborder la majorité des autres sujets des conférences prochaines d'une façon plus supramentale que ce que nous avons fait. Nous avons déjà abordé différents sujets d'une façon supramentale, mais la majorité des sujets ont été abordés d'une façon psychologique pour permettre aux nouvelles personnes, disons, qui venaient à mes conférences de pouvoir s'adapter lentement au vocabulaire, disons, ésotérique ou... supramentalo-ésotérique, enfin un vocabulaire, disons, plus ou moins différent. Maintenant, il arrive, tout fonctionne par cycle, l'énergie supramentale est aussi régie par des phases cycliques, et présentement, en ce qui concerne, disons, le support des conférences que je vais donner, on va surtout les asseoir sur de l'énergie supramentale. Et c'est pourquoi, disons, ce soir, dans le thème « La croissance supramentale », nous allons aborder le début de ce cycle où nous allons essayer d'entrevoir les principes fondamentaux de la transformation humaine, ce que l'homme appelle l'évolution dans sa forme psychologique de vision, et nous allons les entrevoir d'une façon plus énergétique, c'est-à-dire d'une vision qui n'est pas permise à l'homme normalement, une vision qui n'est pas dépendante de sa situation psychologique ou de sa situation intellectuelle, mais d'une vision qui se dégage du processus de perception intellectuelle ou astrale, donc mentale ou astrale. Alors, de ce fait, abordant ce cycle par l'idée de croissance supramentale, nous allons donc tenter ce soir de définir, c'est-à-dire de gruger autour des concepts supramentaux pour essayer de ne garder à la fin que cette croissance supramentale. OK. À ce moment-là, on peut tout de suite, si on veut commencer par le début d'abord, dans le sens que tu veux aller, est-ce que tous les sujets sont, toutes les personnes, je veux dire, exemple, les handicapés, est-ce qu'ils sont sujets à avoir quand même bénéficié de cette conscience supramentale-là? Si on commence par, bon, les handicapés, les gens qui sont, tout ce qui est autour, en fait, là, les gens qui sont diminués, à quelque niveau que ce soit, est-ce que... Bon, de toute façon, la diminution à quelque niveau que ce soit se fait dans la psychologie de l'homme et non pas dans la corporalité de l'homme. Donc, une personne qui a des handicaps physiques, on a déjà vu d'ailleurs lors d'une conférence l'évolution des handicapés, n'est pas brimée dans sa croissance supramentale. L'homme est relié à l'énergie supramentale de toute façon, sauf que la conscience de l'homme n'est pas dans une forme, dans ce niveau d'énergie supramentale. La conscience de l'homme, elle reste placée dans une conscience qui est nourrie par ce que les sens de l'homme peuvent percevoir et non pas par ce sens, disons, nous pourrions l'appeler sens, qui peut percevoir la réalité. L'homme qui a une conscience humaine, planétaire, expérientielle, est pluguée sur ses sens. Et à l'intérieur de ses sens, il y a des sens, disons, psychologiques, des sens qui ne dépendent pas du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, de la vue. Par contre, les sens psychologiques de l'homme, de quelle façon l'homme essaie-t-il de se connaître? Il essaie de se connaître en faisant des rapports entre ce qu'il perçoit par ses sens physiques. Et si dans sa perception intérieure, il découvre des choses qui, normalement, si elles étaient exprimées à l'extérieur, devraient être perçues ou pourraient être perçues par les sens physiques, alors l'homme accrédite. C'est-à-dire que lorsque l'homme essaie de se rappeler des actes qu'il a faits, il les mémorise visuellement. Le sens de la vue intérieure. Lorsque l'homme entend des voix, il les entend. C'est le sens de l'ouïe intérieure. L'homme peut avoir des bouffées de chaleur, l'homme peut sentir des choses, mais chaque fois que l'homme entre dans une conscience, c'est toujours une conscience qui essaie de plagier l'état de conscience physique, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas percevoir autrement dans la conscience présente, dans la conscience qu'il habite, que des choses qui ont une relation mémorielle avec l'expérience vécue par son corps. Donc, si l'homme entre en contact avec de l'énergie, il va entendre l'énergie, il va voir quelque chose de l'énergie, il va sentir quelque chose de l'énergie, il va se sentir porté, il va donc sentir, avoir des sensations tactiles de l'énergie. Mais si par hasard l'énergie est d'un autre niveau que l'énergie reliée à la mémoire de l'homme, donc l'énergie astrale, l'énergie psychologique de l'homme, l'homme ne peut pas la découvrir parce que l'état de conscience de l'homme est tributaire de son expérimentation au niveau de ses sens. Alors automatiquement, l'homme qui percevrait une nouvelle énergie, mais non pas en l'entendant, non pas en la voyant, non pas en y touchant, donc non pas en sentant quelque chose chez lui, c'est du tactile, non pas en la sentant ou en la goûtant, de quelle façon il aperçoit cette énergie-là? L'homme ne peut pas la percevoir. Pourquoi? Parce que la conscience qui essaie de percevoir un autre état de conscience est une conscience astrale, une conscience psychologique, qui met dehors, qui se refuse de découvrir autrement que par les sens mémoriels, donc les sens expérimentés, une nouvelle forme de conscience. Donc l'homme, comme il est présentement, est le plus grand révisionnaire de l'énergie supramentale, c'est le plus grand anti-énergie supramentale, c'est le plus grand anti-croissance réelle de l'homme, mais c'est le plus pro-involution de l'homme, c'est le plus pro-révisionnaire de l'évolution, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'évolution manipuler l'homme comme l'évolution aimerait manipuler l'homme. On revise continuellement ce que l'évolution veut faire chez l'homme pour adapter ce qu'elle veut faire à ce que l'homme veut qu'elle fasse pour pouvoir amener l'homme où l'homme veut aller et non pas où l'homme doit aller. Et la croissance supramentale chez l'homme, c'est lorsque l'homme meurt de plus en plus, meurt à petit feu, disons, pour cesser de désirer aller quelque part, mais pour se laisser aller quelque part. Évidemment, entre ce processus où l'homme arrive dans un état de conscience supramentale où il peut se laisser aller quelque part, il y a une maudite différence entre l'homme qui reste dans une conscience astrale, mais qui s'assujettit à une conscience collective globale, par exemple à une conscience religieuse ou à une conscience de collectivité de toute façon. Et là, l'homme n'est pas dans un état de conscience supramentale, il n'est plus dans un état de conscience individuelle, il est dans un état de conscience collective. Ou, comme un troupeau, il fera ce que les autres qui sont dans la même conscience que lui vont faire. Alors donc, lorsque je dis que l'homme doit se laisser aller où il doit aller, c'est parce que l'homme qui fait cela d'une façon sécure, et non pas sécure pour sa psychologie, mais d'une façon sécure par rapport à l'évolution globale, l'homme est dans un état de conscience où il voit ce qui se passe, où il voit ce qu'il doit faire, et il le fait parce qu'il doit le faire. Et il ne le fait pas parce que d'autres le font. S'il le fait parce que d'autres le font, ce n'est pas une conscience supramentale, c'est une conscience collective où il doit le faire parce que d'autres le font. Tu parles de conscience collective. Bon, cette conscience supramentale-là qui est quand même, c'est simple, mais c'est complexe en même temps, qui descend. Ce n'est pas complexe, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est la conscience psychologique. Et pour démolir cette conscience astrale, c'est compliqué. Mais une fois qu'elle est démolie, le reste est très simple. Le reste vient immédiatement. Mais à quelle place que, justement, le teintage se fait? C'est-tu au niveau, quand tu descends, au niveau de la conscience collective qui entoure la planète ou juste au niveau de l'individu, de l'astral de l'individu? Il n'y a pas de colorage de l'énergie supramentale. Il y a de l'ignorance de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que l'homme psychologique, dans sa psychologie astrale, dans sa psychologie essentiellement mémorielle, essentiellement expérientielle, l'homme refuse tout ce qu'il ne peut pas expérimenter. Et la psychologie de l'homme, de par son taux vibratoire beaucoup plus bas, ne peut expérimenter l'énergie supramentale. Il ne peut que laisser l'homme réel, et non pas l'homme psychologique, vivre. C'est-à-dire qu'il ne peut que laisser cet homme entrer en contact avec l'énergie supramentale de façon à ce que cette conscience supramentale vienne chapeauter la conscience psychologique de l'homme, mais la conscience psychologique de l'homme ne pourra pas expérimenter la conscience supramentale. Donc, l'homme psychologique qui se doit d'apprendre des choses, qui se doit d'expérimenter dans la matière, donc d'expérimenter dans la souffrance, ne pourra pas faire autrement que de refuser la conscience supramentale ou de laisser sa place à la conscience supramentale. Donc, l'homme psychologique cesse immédiatement sa souffrance, son expérimentation. Il cesse complètement d'être un homme normal et il devient un homme nouveau, il devient un surhomme. C'est-à-dire qu'il devient un homme. Mais présentement, l'homme n'est pas un homme. L'homme est humain. Mais l'homme n'est pas du tout la représentation de ce que l'homme devrait être. Et l'homme n'est qu'un animal humain, plus avancé dans son expérimentation que la race animale, disons, normale, mais l'homme, dans son évolution, crée beaucoup plus de perturbations qu'il ne crée d'amélioration de l'écosystème planétaire. C'est-à-dire que même si l'homme est un animal, disons, plus évolué que la race animale planétaire, c'est quand même l'homme qui est le seul être à avoir exterminé d'autres races. L'homme a exterminé différentes races d'animaux, mais les animaux n'ont jamais exterminé personne. Alors donc, l'homme est un être humain, mais ce n'est pas un homme, au sens où je l'entends, c'est un homme à quatre pattes. Ce n'est pas un homme debout sur deux pattes. Et tant que l'homme marche à quatre pattes, il n'est pas assez haut pour avoir la tête dans le nuage de la conscience supramentale. Maintenant, pour que l'homme puisse se lever, pour enfin atteindre cette croissance supramentale, c'est-à-dire que pour que l'homme puisse avoir une conscience réelle et presque universelle de son schéma d'évolution, il devra laisser faire son quatre pattes, donc il devra perdre une certaine stabilité sécurisante de sa condition psychologique. À quatre pattes, tu es beaucoup plus stable qu'à deux pattes. À deux pattes, tu peux tomber. Mais à quatre pattes, tu ne peux pas non plus être autre chose qu'un être humain à quatre pattes. Et lorsque l'homme va vouloir se lever, ce n'est pas dur de se lever. Mais remarque bien que lorsque tu as un sac à dos plein de, disons, de 80 livres de matériel inutile sur le dos, quand tu es à quatre pattes, c'est pesant de te le mettre debout. Mais une fois que tu es debout et que le sac tombe à terre, c'est plus pesant. tu ne peux pas tomber. Mais le maudit problème de l'homme, c'est qu'il entrevoit la conscience supramentale à partir de sa vision psychologique. Donc, l'homme s'imagine que tous les problèmes qu'il connaît présentement seront les mêmes problèmes qu'il devra affronter une fois qu'il aura une conscience supramentale. Et c'est tout à fait faux. L'homme a des problèmes à affronter parce qu'il ne voit rien. Et ne voyant rien, il ne peut voir dans ce rien que ce qu'il a expérimenté, donc que ce qu'il a dans sa mémoire. Et cette mémoire est sa sécurité, mais c'est aussi ce qui l'empêche de se redresser. L'homme ne veut pas se lever parce qu'une fois qu'il sera debout, il perdra sa mémoire. Et le sac qui n'est pas attaché sur lui devra tomber. Et là, il se dit, mais une fois que j'aurai plus de mémoire, je vais devoir, si ça ne marche pas, recommencer à expérimenter pour retrouver ses mémoires. Mais l'homme renaît sur la planète Terre sans se rappeler de ses vies antérieures, de ce maudit sac à dos qui est tombé à un moment donné. Parce que le sac à dos n'est pas tombé parce que l'homme s'est dressé. Le sac à dos a tué l'homme, il a écrasé l'homme. Et l'homme est mort. L'homme est mort physiquement, l'homme est mort psychologiquement, l'homme est mort vitalement, l'homme est mort mentalement. Parce que le sac, le bagage mémoriel l'a écrasé, il l'a tué. C'est son karma de mourir. Et c'est pesant du karma mémoriel. Mais lorsque l'homme va décider d'arrêter d'être un être rampant devant les créatures qu'il a créées lui-même, devant le Dieu dans le ciel, devant tous les concepts philosophiques ou religieux de Dieu, lorsque l'homme va décider de se mettre debout et de devenir un Dieu, il aura la tête dans le nuage supramental, c'est-à-dire qu'il n'aura pas juste redressé la tête en restant à quatre pattes pour avoir la tête dans le nuage spirituel. Et lorsque l'homme sera debout, il perdra sa mémoire, il perdra le besoin de l'expérimentation, il perdra sa sécurité, mais il perdra aussi son insécurité. Il perdra la vie, mais il perdra aussi la mort. L'homme qui sera dans un état de conscience supramentale, ce sera un homme nouveau, un homme qui n'aura plus besoin de mourir pour devoir se débarrasser de sa mémoire. L'homme ne meurt pas parce que c'est plaisant aux énergies planétaires de faire mourir l'homme. L'homme meurt parce que l'homme agit de façon à être mortel. C'est-à-dire que l'homme cumule suffisamment de bagages mémoriels sur son dos qu'à un moment donné, ce bagage doit disparaître. Sinon, cela freinerait l'évolution de l'homme. Donc, ce bagage écrase l'homme et l'homme meurt. On appelle ça le karma. On dit donc que l'homme est mortel. Et lorsque l'homme n'a plus ce bagage, l'homme n'a plus besoin de mourir pour se libérer de sa mémoire. Et l'homme meurt pour se libérer de sa mémoire, et c'est donc pour cela que l'homme a peur de la mort. Parce que l'homme, il s'identifie, l'homme sait qu'il vit parce qu'il sait qu'il a vécu. Donc, plus l'homme a de mémoire dans lui, plus l'homme a accumulé d'expérience, plus l'homme sait qu'il vit. Et l'homme a peur de la mort parce qu'en mourant, l'homme perd ses mémoires. Donc, l'homme ne sait plus qu'il vit. Alors, de cette façon, l'homme est mortel, c'est-à-dire qu'il perd l'identification de sa vie. L'homme ne sait plus qui il est. D'ailleurs, l'homme ne sait pas plus qui il est. L'homme ne sait qu'il a été, mais il ne sait pas qui il est, parce qu'il a besoin de ses mémoires. Et lorsque l'homme n'aura plus ses mémoires, lorsque l'homme sera debout, il sera donc un homme réellement, et non pas un être humain à quatre pattes, un animal humain. Lorsque l'homme sera debout, l'homme n'aura plus besoin d'expérimenter la matière, et l'homme se libérera. L'homme à quatre pattes se plaît de dire « Ah, nous sommes tous des dieux. » Mais Dieu n'a pas peur comme l'homme a peur. Dieu n'est pas insécure comme l'homme est insécure. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des reliques de Dieu. Nous sommes des idoles de Dieu, nous sommes des statuettes représentant Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et ça dépend de l'homme. Si l'homme veut se lever debout, l'homme deviendra ce qu'il présentement conceptualise comme étant Dieu. Et il se rendra compte que c'est lui, Dieu. Comme tu dis, l'homme, c'est sûr qu'on a l'impression qu'il est soudé après nous autres, ce sac à dos-là, mais comme tu nous dis, il n'est même pas attaché, en fait. Tu te lèves il est soudé par la gravité, par l'attraction. Mais quand tu te lèves, il tombe. Donc, c'est quoi les étapes pour se lever? Voilà. L'homme s'imagine que pour se lever, il doit s'arc-bouter à un mètre, il doit s'arc-bouter au derrière de quelqu'un qui est plus grand que lui pour commencer à monter sa culotte pour essayer d'être debout. Mais plus l'homme tire sur la culotte, plus il y a de choses qui tombent dessus, et plus cela rend le sac à dos pesant et puant. Bon. Alors donc, habituellement, l'homme envisage la croissance supramentale à travers la croissance spirituelle. L'homme ne peut pas voir autrement les choses que par le nuage de ce sac à dos qui crée de l'ombre. L'homme ne peut pas relever la tête, c'est trop pesant. L'homme doit donc observer dans la dimension de sa psychologie, donc sur la matière, et l'homme doit observer l'énergie supramentale qui descend sur la matière. Mais c'est exactement comme si tu as ton sac à dos qui est immense et tu es à quatre pattes et que le soleil plombe derrière toi. Tu ne peux pas, en levant la tête, voir le soleil, tu ne verras que du noir, de l'ombre. Et lorsque l'homme observe autour de lui et qu'il voit l'ombre de sa forme, il découvre encore qu'il existe, il découvre encore qu'il est dessiné sur le sol par l'énergie de la lumière, par l'énergie supramentale, disons. Et mais l'homme découvre l'énergie supramentale, il pense que c'est l'ombre. Il pense que c'est le dessin qu'il dessine. Mais l'énergie supramentale aimerait bien passer à travers l'homme. L'homme devra donc devenir, quitter son sac à dos, parce que le sac à dos donne une forme à l'ombre. Et l'homme s'imagine qu'il est toute l'ombre. Donc, qu'il est lui, les mains, les pattes, la tête et le sac à dos. Et on sait très bien qu'une chose à trois dimensions, lorsque on regarde la deuxième dimension projetée par la lumière, c'est-à-dire lorsque l'on regarde l'ombre sur la matière, cela déforme complètement la tridimensionnalité de l'objet. Alors, si présentement je mets ma main devant la peinture, l'ombre qu'on voit en arrière ne représente pas tout à fait ma main. Ce qui permet à certaines personnes avec leurs doigts de dessiner un aigle, une colombe, un oiseau et un paquet de choses en genre. Alors, on regarde par exemple l'ombre à terre et on se dit, quel genre de taux que c'est? Mais il faut voir l'auto pour savoir la marque. Parce que c'est pas en regardant l'ombre d'un auto qu'on va découvrir la couleur et la forme complète et la marque de l'auto. Alors, l'homme ne peut voir que par sa psychologie, l'énergie hors psychologique. Donc, l'homme essaie de découvrir, de se diriger, de diriger sa croissance supramentale à travers la vision de l'énergie supramentale qui, disons, vient à ses yeux, à ses sens. Et l'homme ne voit qu'une idée tout à fait déformée de ce qu'est l'énergie supramentale. C'est comme de dire que l'ombre, ben, c'est la lumière. L'ombre, ce n'est pas la lumière. C'est le cadrage intérieur de l'explosion lumineuse. L'ombre, c'est le manque de lumière, mais ce n'est pas un manque total de lumière, parce que l'ombre, ce n'est pas de la noirceur pure. L'ombre, c'est une dilution de la lumière, parce qu'il y a de la lumière dans l'ombre, mais il n'y en a pas beaucoup. Et plus l'homme se rapproche du sol, plus l'ombre est noire. Et moins l'homme a de possibilités de savoir de quel ordre elle est l'énergie supramentale, de quel ordre elle est l'énergie que lui appelle l'énergie divine, de quel ordre elle est. Mais plus l'homme va se lever, plus l'ombre est diluée, donc plus il y a d'énergie supramentale qui vient se placer devant ses sens, et là, l'homme va finir par comprendre ce que c'est la lumière. Il pourra se dresser à la lumière, il pourra regarder la lumière, et il n'aura plus peur de la lumière. Donc, l'homme ne peut pas concevoir la croissance supramentale, pas à partir de sa psychologie astrale, pas à partir de sa vision de l'ombre supramentale. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il essaie, par exemple, dans un cadre religieux, de rejoindre Dieu. Mais le Dieu que l'homme va rejoindre est un Dieu qui est avaché à quatre pattes au sol. Il ne peut pas rejoindre un Dieu debout. L'homme a un concept de ce Dieu, et à travers ce concept, il imagine le Dieu debout. C'est comme de dire que l'ombre, c'est la lumière. Même si le concept, disons, infini de Dieu dans la tête psychologique d'un homme, c'est un concept d'un Dieu debout, d'un Dieu qui se fout royalement de l'homme, donc d'un Dieu qui ne se sent pas, qui ne souffre pas de voir l'homme mourir. Parce que si Dieu est triste lorsqu'un enfant meurt, c'est que Dieu souffre. Et si Dieu souffre, ben moi aussi je souffre. Alors donc, nous sommes pareils. Et si je m'adresse à toi pour régler mes problèmes, je n'aurai pas j'aurai encore des problèmes. Et si je m'adresse à un Dieu qui est la réplique exacte de moi-même, je n'aurai pas plus de réponses. Alors, l'homme qui, par exemple, et je ne dis pas que les religions, que celui qui est dans une religion est mauvais. Je dis simplement que les religions organisées, que tout ce qui tend à enseigner collectivement à l'homme et tout ce qui tend à collectiver l'homme dans l'enseignement est une chose qui tend à évoluer, à l'involution. C'est-à-dire que cela ne peut pas permettre à l'homme d'évoluer, à l'homme de se transformer pour finalement devenir Dieu. Chaque chose, de toute façon, qui dit à l'homme « crois en Dieu », n'amènera jamais à l'homme, ne donnera jamais à l'homme la possibilité de devenir Dieu. Tu ne deviens pas Dieu, reste à terre à quatre pattes et crois qu'en haut de toi, d'autres hommes vont te dépasser, ils vont devenir Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui est dans une religion, elle est correcte. C'est comme si je dirais que la cigarette, c'est mauvais. Est-ce que je dis par là que tous les fumeurs sont mauvais? Absolument pas. On a immensément de bons hommes qui fument. Mais ce n'est pas parce que l'être qui fume est bon que fumer, c'est bon. Ce n'est pas parce que l'être qui fume est bon que la cigarette est bonne. Alors donc, je dis simplement ceci, c'est que les religions, tout ce qui tend à rendre l'homme, à pousser l'homme dans une croissance collective, ne peut rien faire d'autre que de pousser l'homme à vivre en troupeau. Parce que l'homme n'apprend pas à devenir seul au détriment des autres, ou seul contre les autres, ou seul par-dessus les autres, ou seul avec les autres. On montre à l'homme à devenir seul dedans les autres, c'est-à-dire à devenir dedans les autres, à plus être seul. On ne montre pas à l'homme comment assumer sa solitude. On ne montre pas à l'homme comment assumer sa souffrance, de façon à ce que la souffrance vienne brûler ce qui dans l'homme le fait souffrir. On montre à l'homme partager sa souffrance, de façon à ce qui devrait être détruit par la souffrance ne soit pas détruit. La croissance spirituelle supramentale, c'est une farce. Ça se peut pas. L'homme qui est connecté ou l'homme qui atteint une conscience supramentale, c'est un homme individuel qui est à part. Et même si on aurait 3 millions d'hommes qui seraient dans une conscience supramentale, ils seraient tous à part. Parce qu'ils expriment selon leur schéma, disons, d'évolution, selon leur schéma mental, vital, astral et physique, l'énergie supramentale, et chacun aura une fonction, un rôle à jouer dans le schéma de l'évolution, disons, de notre galaxie, parlons, disons, de notre planète pour l'instant. Mais chaque homme n'a pas le même rôle à jouer. Chaque homme ne peut pas jouer le même rôle. Mais chaque homme qui se relie à une conscience collective, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique, morale, d'école ou de n'importe quoi, un homme qui se relie à une conscience collective doit assumer un rôle collectif. Il ne peut pas assumer un rôle individuel, sinon on tape dessus. Alors, l'homme qui est assujetti à une conscience évolutive collective assume un rôle collectif. Si je dis, par exemple, tous ensemble, nous devons promouvoir la paix sur la planète. Mais chacun ici ne fait pas son rôle, ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que nous voulons. Et dans le « nous », il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de dirigeant, il y a le « on », le « on » où on s'oublie. Il y a la destruction complète et totale de l'homme individuel, c'est-à-dire de l'homme debout. Par contre, il y a la dynamisation, on énergise convenablement le troupeau à quatre pattes. Alors, on a fait quelque chose ou on a fait telle chose. On a fait erreur. Et plus le « on » est immense, plus l'erreur a été commise par des personnes. Alors, si on, je suis tout seul, on a fait telle erreur, je mange un coup. Et si on est 1 million à dire « on a fait l'erreur, on s'excuse », il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a personne à toucher. Et si on dit « on a réussi », qui a réussi? C'est encore le « on », c'est encore personne. Mais cette énergie-là, Daniel, qui est indifférenciée, est-ce qu'elle joint deux buts quand elle passe dans l'homme? La personne dans laquelle elle passe, est-ce qu'elle a le but de le faire évoluer ou simplement la planète? Non, l'énergie supramentale n'a pas de but. Elle a des fonctions. Et une fonction, ce n'est pas un but. L'homme a des buts, il n'a pas de fonction dans sa psychologie. En réalité, l'homme a des fonctions importantes sur la planète, mais l'homme a des buts autres que ses fonctions. Et c'est normal, parce que l'homme, voyant l'ombre au sol, tient à communiquer l'ombre partout. Il tient aussi à se placer en dessous de structures qui vont donner encore plus d'ombre. Parce que l'homme recherche l'ombre, qu'il appelle l'énergie supramentale. Et l'homme, plus il va, plus il se coupe. D'ailleurs, en se coupant, plus il se coupe, et d'ailleurs, il invente aussi des extraterrestres, des ovnis, de ce genre de choses, qui tend à se couper le monde. Alors donc, l'homme qui tend à évoluer dans une croissance supramentale, qui va tendre premièrement à essayer de connaître l'énergie supramentale, à essayer d'expérimenter l'énergie supramentale, donc à essayer par différents moyens collectifs, des moyens qui ont déjà été prouvés dans l'Antiquité par d'autres. Hein? Moi, lorsque je vais quelque part, je ne demande pas si d'autres sont passés avant moi et si ça a marché. Je ne veux pas savoir si tel genre de cours ou tel genre de philosophie ou tel genre de médicament a été bon pour d'autres au niveau de ma croissance évolutive. Je vais le savoir pour moi. L'homme qui essaie de suivre le chemin collectif, c'est-à-dire, par exemple, je vais convertir. Alors, si on vient me convertir et que j'embarque dans un truc collectif. Et si je vais cogner à la porte et je demande « Combien avez-vous de disciples? » C'est que je recherche une collectivité. Je recherche quelque chose qui pourrait accréditer mon manque de possibilités pour pouvoir me dire « Bon, mais s'il y a tant de monde qui sont là, c'est que ça doit être bon. » Ou s'il y a un tel qui est là, ça doit être bon. Parce que l'homme, présentement, l'homme dans le domaine, dans sa phase astrale d'évolution, dans sa phase psychologique, n'arrive pas à percevoir clairement, il ne voit que des ombres. Et expérimentant cela, il tente l'expérimentation du supramental et il ne pourra expérimenter que l'ombre supramentale, c'est-à-dire que l'énergie supramentale mémorisée dans sa psychologie, mais il ne pourra jamais connaître par sa psychologie expérientielle une énergie non expérimentale, non expérientielle. Donc, l'homme qui, par exemple, veut cheminer, qu'est-ce qu'il doit faire? L'expérimentation supramentale, disons, chez l'homme, ne se fait pas à partir des bons désirs, de la bonne volonté, du bon vouloir de l'homme. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Par contre, dans le cheminement de l'homme, dans le processus, disons, d'affermissement de la conscience astrale chez l'homme, l'homme joue un grand rôle. Premièrement, l'homme a peur. On le sait. Deuxièmement, l'homme a des concepts. On le sait. Troisièmement, l'homme a une foi. Et ces mécanismes dynamisent d'une façon exemplaire les forces qui vont tendre à bouger, à empêcher l'homme de pouvoir se redresser. C'est-à-dire que c'est exactement comme si le moindrement que l'énergie supramentale tend à descendre, donc le soleil va se coucher, l'homme entre ses doigts dans le sol, l'homme se vire et l'homme garde toujours le dos à l'énergie supramentale. C'est-à-dire que, d'ailleurs nous appelons ça une évolution lunaire, où l'homme tend à toujours absorber l'ombre du soleil, l'ombre de l'énergie supramentale, au lieu de se tourner face à face avec le soleil et donc de vivre une évolution solaire ou une évolution, disons, supramentale éclairée. Et lorsque l'homme, dans la conscience collective, recherche une croissance supramentale, il essaie simplement, parce qu'il est insécure, parce qu'il croit que... il croit, tout simplement. Et dans la collectivité, alors si on fait une erreur, l'erreur est répartie sur tout le monde. Et au niveau karmique, cela est vrai. Mais au niveau karmique, cela est aussi vrai. C'est-à-dire que si l'homme bénéficie à un moment donné d'une réussite collective, ben lui a presque rien non plus de la réussite, comme il n'a presque rien non plus de la défaite. Alors, l'homme vise. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour atteindre la conscience supramentale? Premièrement, l'homme ne doit pas se dissocier de la collectivité animale, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas vivre seul dans son coin. Ce n'est pas parce que l'homme va vivre dans le fond de la mer tout seul que l'homme arrive à une conscience supramentale. L'idée collective, ce n'est pas dans la matière. L'homme restera toujours collectif avec la matière, que ce soit avec un homme ou encore avec la planète, ou avec sa nourriture, ou avec l'air qu'il respire, ou avec la lumière qui est la matière. Alors donc, ce n'est pas une séparation dans la collectivité matérielle, mais dans la suite collective des idées psychologiques. Alors donc, l'homme qui présentement suit une vague supramentale n'est pas dans une croissance supramentale, il est dans une croissance collective. Il est dans un égrégore que nous appelons l'espoir supramental, et à l'intérieur de cela, l'homme suit. L'homme ne va pas voir un conférencier parce que selon lui, ça va. Il va voir un conférencier parce qu'on l'amène. Ou parce qu'il y a beaucoup de monde. Ou parce que dans son espoir supramental, il n'y a que ce conférencier ou celui-ci qui donne des choses qui peuvent nourrir cette illusion de conscience supramentale. L'homme acquiert présentement des connaissances supramentales, mais l'homme n'a pas un savoir supramental, c'est-à-dire que la connaissance, elle doit être acquise par l'expérience, ce n'est pas mauvais. C'est très bon. Pourquoi? Parce que le sac à dos devra finir par devenir suffisamment gluant pour glisser tout seul à côté de l'homme, parce que l'homme n'est pas capable de se redresser. Donc, la connaissance supramentale telle que je la donne, par exemple, ou que d'autres la donnent, va finir par se transformer en une espèce de gelée, de graisse, de forme, qui pourra venir tellement triturer la psychologie de l'homme, l'expérience de l'homme, tellement venir en contre l'expérience de l'homme, elle va finir par, disons, certains disent faire gonfler le sac à dos jusqu'à temps qu'il crève, elle va finir par tellement, disons, diluer, transformer les mémoires de l'homme, la conscience conceptuelle collective qu'a l'homme de son évolution, qu'à un moment donné, ces mémoires devront tout seuls tomber par terre. Et lorsque l'homme a des connaissances supramentales, il n'y a pas de croissance supramentale. Qu'est-ce que c'est la croissance supramentale? C'est lorsque l'homme a une tendance incontrôlée, parce qu'incontrôlable par lui-même, à perdre, non pas ses mémoires, ce n'est pas les mémoires que l'homme doit perdre dans les premiers temps, c'est le concept mémoriel. C'est ça que l'homme doit perdre, pas les mémoires, pas pour l'instant, pas tout de suite, plus tard. Ça va se perdre tout seul. Mais pour l'instant, les mémoires, elles sont utiles à l'homme, parce que les mémoires, elles permettent au mental de l'homme de pouvoir rester efficace, de pouvoir s'énergiser lui-même, et c'est le mental de l'homme qui pourra entrer en contact réel avec l'énergie du supramental, donc du mental supérieur, de l'énergie supérieure au mental. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui nuit? Ce ne sont pas les mémoires. Les mémoires, elles nuisent. Mais ce ne sont pas les mémoires qui nuisent l'homme réellement dans son étape d'évolution vers la croissance supramentale. Ce sont les concepts créés par l'agglomération gélatineuse de ces mémoires. Mais ce ne sont pas les mémoires. C'est comme de dire, est-ce qu'un épée, ça nuit? Est-ce qu'une mitraillette, ça nuit? Mais ça nuit pas, une mitraillette. C'est de la matière, ça peut pas nuire. Mais lorsque la matière est manipulée par la psychologie de l'homme, alors là, plus souvent qu'autrement, ça nuit. Alors, les mémoires, ce sont des formes, c'est de la matière, mais à un autre degré de matérialité. Mais lorsque l'homme se sert de cette matière, lorsque l'homme, dans sa psychologie, agglomère la matière, c'est comme s'il mettait des cartouches dans sa carabine, c'est comme s'il mettait une mire après sa carabine, c'est comme s'il mettait un homme ou une cible en avant de sa carabine, et c'est comme s'il tirait dessus. Alors là, ça nuit. Là, il y a un karma. Les mémoires ne nuisent pas pour l'instant suffisamment à l'homme pour que l'homme s'attaque à ses mémoires. Parce que si l'homme s'attaque immédiatement à ses mémoires, l'homme va perdre les bases qui supportent sa psychologie, qui supportent son astral, qui supportent son ego, qui supportent son identification et qui supportent sa croissance. Mais lorsque l'homme perd les concepts, l'homme perd non pas l'identification qu'il a de sa vie. Par contre, l'homme perd les illusions de ce qu'il aura à vivre. Alors donc, l'homme cesse, lorsque l'homme perd ses concepts, de conceptualiser l'énergie supramentale et de dire que l'ombre, c'est la lumière. Il va dire, l'ombre, c'est de l'ombre. Et de temps en temps, lorsqu'il y a de l'énergie qui reflète sur quelque chose et qui vient éclairer son ombre, il va dire de temps en temps, j'ai d'autres ombres. Mais il ne dira pas, parce qu'il ne conceptualisera pas, il ne dira pas, tiens, le petit reflet qui vient de pénétrer parce qu'il y a eu un miroir, c'est Dieu. Et lorsque le miroir est passé, parce que l'homme avance dans le temps et dans la vie, l'homme recherche encore Dieu. Parce que l'homme a un concept. Les mémoires présentement nuisent, mais ne nuisent pas autant que les concepts. Et l'homme doit s'attaquer, c'est-à-dire que l'homme doit, par la connaissance de l'énergie supramentale, s'attaquer à la destruction de ses concepts. Et à un moment donné, lorsque l'homme n'aura plus de concepts, ce sont les concepts surtout qui colorent le mental de l'homme. L'homme pourra lentement, graduellement, s'ouvrir vers un savoir supramental. Donc là, il va commencer sa croissance supramentale. Tu as parlé des concepts, de la foi, tout ça, des éléments qui dynamisent le noyau de l'ego. Comment ça se fait ça que la conscience supramentale, qui est si puissante, ne réussit pas à dégluer ça? C'est-tu parce qu'elle a une espèce de respect pour la liberté de l'homme? Absolument pas. Elle se fout de l'homme. L'homme n'est pas important. Pour qui l'homme est important? L'homme s'entretue régulièrement. Si l'homme n'est pas important pour lui, pour qui l'homme sera-t-il plus important? L'énergie supramentale, elle est puissante. Et là, elle est puissante de par notre conception. C'est-à-dire que dans le cadre où elle évolue, ce qui peut se faire dépasse d'une façon illimitée les possibilités de l'homme. Mais lorsque l'énergie supramentale descend dans le plan de l'homme, elle n'est plus chez elle. Et ce n'est plus de l'énergie supramentale. Et automatiquement, elle devient aussi débile que les énergies qui forment l'homme. Parce que l'homme, c'est de l'énergie divine densifiée. Et dans la densification des énergies de l'homme, des énergies divines, il y a perte de possibilités. Parce que l'espace devient restreint, parce que le temps devient restreint, parce que la matérialité tend à apparaître. Donc, c'est exactement comme si nous prenons l'exemple du Nazaréen. Lorsque le Nazaréen a pris le corps de Joshua ben Joseph, automatiquement, il n'avait plus les possibilités permises par un corps, disons, éthérique, un corps supramental, un corps dégagé de la conscience planétaire. Mais lorsqu'une entité est supérieure, ou lorsqu'une entité, disons que les entités sont habituellement inférieures, lorsqu'une énergie supérieure descend dans le cadre planétaire évolutif de l'homme, lorsqu'une énergie supérieure habite l'homme, est là l'évolution de l'homme. Elle ne peut pas pousser l'homme contre les lois même qui régissent le temps et l'espace de notre galaxie, disons, expérientielle, évoluer et devenir meilleure. L'homme ne peut pas devenir un surhomme parce qu'il s'imagine, après avoir vu le film Superman, que s'il s'habille avec une cape de telle couleur et qu'il plonge du haut d'un building, il y a des cordes qui vont le tenir. Si l'homme s'imagine cela, l'homme s'écrase. Mais par contre, l'homme peut voler. Mais l'homme s'imagine qu'il pourra voler à partir des connaissances psychologiques qu'il a. Donc l'homme s'assujettit à des lois reliées à sa psychologie et lorsqu'il vole, il s'écrase. Et de par le fait même, il dit là, le vol de l'homme est impossible sans avion. Mais si l'homme entrevoyait les mécanismes réels qui permettent des choses dans le plan matériel, donc si l'homme, au lieu de voir l'univers sur un point de vue quadrupède, le voyait sur un point de vue plus haut, bipède, debout, non pas fièrement debout, parce que fièrement debout, c'est l'illusion d'être debout. Les singes ont la fierté de se lever debout devant l'homme, mais ils retombent à quatre pattes rapidement. Ils ne peuvent pas marcher longtemps debout. Ils ont la fierté d'être debout. Mais l'homme ne doit pas être fier d'être debout, il doit être debout. Alors donc, l'homme, lorsqu'il se lève debout, il a un autre point de vue. Et là, il pourra voir d'autres mécanismes qu'il ne connaissait pas. Exactement comme les premiers qui ont pensé, parce que leur vision n'était pas quadrupède, mais elle était rampante, ils ont pensé que l'oiseau volait parce qu'il avait des plumes. Alors, ils se sont collés des plumes partout sur le corps et ils ont plongé vers la mort. Et, de par cette vision, on a dit, l'homme ne peut pas voler. Parce que si l'homme aurait pu voler, l'homme serait venu au monde avec des plumes. Mais ce n'était pas la plume qui faisait voler l'oiseau. Alors, à un moment donné, l'homme a commencé à ouvrir d'autres choses et l'homme a commencé à se dégager du sol. Il a vu mieux. Et il a vu que l'oiseau avait des ailes. Mais ce n'était pas un point de vue global, c'était un point de vue animal, humain. Et l'homme s'est placé des ailes et il s'est écrasé encore. Et à un moment donné, on a une personne qui a découvert que l'oiseau ramait dans les airs, en plus d'avoir des ailes et de battre des ailes. Et on s'est encore écrasé. Et lentement, pas trop vite, plus l'homme s'éloignait de sa vision du sol terrestre, plus l'homme entrevoyait d'autres mécanismes qui ont toujours été là, qui ont toujours été existants. Et à un moment donné, l'homme a pu faire voler des tonnes de matière dans les airs. Il a même pu les envoyer en orbite, et plus loin. Mais présentement, l'homme entrevoit toutes ses lois à partir d'un cadre restreint. L'homme s'est suffisamment dégagé du sol pour devenir un quadrupède, disons psychologiquement. Et de ce point de vue, l'homme croit maintenant qu'il peut avoir une connaissance et un savoir instantané sur tous les plans régissant son être-té. Ce qui est faux. L'homme l'a déjà cru lorsque l'homme brisait des pierres, l'homme l'a cru lorsque l'homme inventait le feu d'artifice, l'homme l'a cru lorsque l'homme inventait la vapeur, l'homme l'a cru lorsque l'homme inventait la bombe nucléaire, l'homme le croit encore présentement, même si l'homme invente d'autres choses. Et à un moment donné, l'homme devra cesser d'inventer, l'homme devra cesser de continuer à essayer d'observer à partir de sa science mathématique pour connaître des choses qui ne sont pas mathématiques. Alors donc, l'énergie supramentale, elle ne veut pas aider l'homme à évoluer, elle ne veut pas rien aider, elle ne peut pas aider. Elle est dégagée du désir, elle est patiente parce qu'elle est hors temps. Une personne qui vit dans le temps ne peut pas être réellement patiente. Elle peut tendre à une patience où le temps aura de moins en moins de densification, c'est-à-dire que le temps pourra passer plus vite ou plus lentement selon son désir. Présentement, l'homme psychologique vit un peu ce contexte, mais il le vit à l'envers. C'est-à-dire que lorsque l'homme voudrait que ça passe vite, ça passe lentement, et que lorsque l'homme voudrait que ça passe lentement, ça passe trop vite. Mais à un moment donné, lorsque l'homme va tendre à devenir patient, lorsque l'homme va tendre à se dégager de cette limitation temporelle, l'homme verra les choses passer vite lorsqu'il voudra que ça passe vite et passer lentement lorsqu'il voudra que ça passe lentement. Mais présentement, l'énergie supramentale, elle est patiente, au-delà de la patience, parce qu'elle n'est pas dans le temps de l'homme. Alors, l'homme fait ce qu'il a à faire et lorsque l'homme est prêt, l'énergie supramentale vient. Et lorsque l'homme est prêt, alors l'homme ne peut pas travailler sur l'appel de l'énergie supramentale. L'homme peut par contre travailler non pas à la croissance, mais à la décroissance de la conscience astrale. On parle d'involution. Dans notre tête, on est souvent porté à penser involution. Donc, on se dit, l'évolution que la conscience supramentale va connaître à travers... qu'on va connaître... avec on ne la connaîtra pas. Qu'on ne connaîtra pas. OK. Regarde. Mais juste un exemple. Oui. OK. Mais je vais l'oublier. Attends un peu. Mais OK, ailleurs, sûrement que... Je veux dire, pour la conscience supramentale, est-ce que la partie d'énergie qu'elle nous donne, elle, c'est de l'involution? Oui. OK. Nous autres, c'est de l'évolution, puis elle, c'est de l'involution. Sûr, l'homme tend à monter son taux vibratoire et l'énergie qui vient s'assujettir à l'homme et qui vient aussi assujettir l'homme descend, elle décroît, donc elle évolue. Mais sinon, c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution. En réalité, tout évolue, il n'y a rien qui évolue. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'évolution, qu'est-ce que c'est l'involution? C'est une transformation qui, par rapport à un point de vue ou à un objectif visé, si on tend vers l'objectif, on appelle ça de l'évolution, et si on tend à s'éloigner de l'objectif, on appelle ça de l'involution. Et présentement, lorsque nous disons qu'il y a des forces astrales qui sont, disons, des serviteurs de l'évolution humaine, nous expliquons à l'homme ce qui se passe. Mais en réalité, il n'y a pas d'évolution, cela est permis. L'homme n'est pas la créature, disons, expérimentale de notre galaxie par accident. L'homme n'a pas été créé par un père particulier, par un ange de lumière, par un guide de lumière du nom de Lucifer, par accident. Cela a été permis. L'homme, on dit que l'homme a eu une chute. C'est-à-dire que vibratoirement parlant, l'homme a été matérialisé, l'homme a été densifié dans un contexte expérimental planétaire. Mais cette chute, elle est vue de par une psychologie qui tend à rejoindre Dieu. Mais l'homme n'a pas pu rejoindre Dieu immédiatement après sa chute. C'est-à-dire que lorsque l'homme est devenu matériel, lorsque l'homme a été densifié après différents processus biologiques et évolutionnaires continentaux sur la planète Terre, lorsque l'homme a eu un corps matériel, surtout à partir du continent lémurien, mais toute cette chute humaine a été nécessaire, elle a été obligée parce qu'elle était nécessaire non pas pour l'homme, un peu pour l'homme, mais surtout pour beaucoup d'autres choses, pour beaucoup d'autres planètes, qui présentement attendent après l'évolution de l'homme pour savoir comment il doit faire. C'est pas pour rien que l'homme est un être extrêmement important pour le contexte, disons, divin, pour le contexte évolutif galactique. L'homme n'est pas un animal, je dis un animal tout à l'heure, lorsque l'homme s'évertue à être son corps, par exemple, et lorsque l'homme s'évertue à être l'essence de son corps, ou la connotation mémorielle de ses sens. L'homme est donc un animal, en ce sens, mais l'homme n'est pas un animal du tout en réalité. L'homme n'a rien à voir avec les espèces animales vivantes. Le poisson n'évolue pas comme l'homme. Le singe n'évolue pas comme l'homme. Hein? Alors, l'homme, on a eu... Cela a été nécessaire, cela a été obligé. Même si dans la psychologie vibratoire de l'homme, l'homme appelle cela une chute, c'est que l'homme a été contre son gré, mais avec son accord, placé au niveau matériel. Et à partir de cet instant, l'homme a tenté immédiatement de revenir vers l'état, disons, de liberté qu'il connaissait dans un autre éther, dans un autre plan vibratoire, qui était au minimum d'ordre supramental. Maintenant, cela n'était pas possible, cela n'était pas voulu. Alors donc, on a forcé l'homme à descendre graduellement dans des plans de plus en plus bas. Et c'est pourquoi, dans l'évolution de l'homme, on a une phase qu'on appelle le Kali Yoga, c'est-à-dire l'âge de fer, l'âge d'involution, où on a eu des manipulations de forces que l'homme appelle noires, qui ont obligé l'homme à énergiser le plan de l'astral planétaire pour que celui-ci serve de sac à dos et vienne étouffer l'homme, pour empêcher l'homme de se redresser. Et il fallait que l'homme goûte le sol, que l'homme s'enfonce 6 pieds sous terre, pour qu'après ça, l'homme puisse commencer à se redresser, de façon à donner une expérience de ce que c'est qu'une énergie qui devient matérielle pour redevenir lumineuse. Et cette expérience, elle est nécessaire au reste de la galaxie, elle n'est pas reliée simplement au plan évolutif de l'homme. Et donc, à travers ce schéma d'involution, cette décadence, disons, vibratoire de l'homme, qui était intelligemment voulue, c'était de l'évolution galactique, mais pas de l'évolution planétaire. C'était de l'involution planétaire, et présentement, l'involution planétaire de l'homme tend à sa fin. Donc, dans l'ère du Verseau, par exemple, dans les prochains 13 000 années, l'homme aura une ascension, c'est-à-dire que l'homme aura une transformation qui ira toujours en vue de l'objectif galactique, mais qui en même temps ira vers le but de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, ce que l'homme recherche depuis que l'homme descend pourra devenir réalité. Mais l'homme devra laisser la planète maintenant pour remonter. Plus l'homme était densifié, plus l'homme était matérialisé, plus l'homme découvrait la planète Terre, plus l'homme découvrait la conscience planétaire, plus l'homme pensait qu'il était un être terrien. Mais lorsque l'homme est devenu terrien, l'homme est devenu aussi continental, c'est-à-dire que l'homme est devenu européen, américain, africain. Et lorsque l'homme est devenu continental, l'homme est devenu un peuple. Et lorsque l'homme est devenu un peuple, il est devenu canadien, il est devenu israélien, il est devenu perse, il est devenu romain. Et lorsque l'homme est devenu romain, il a continué à goûter de la terre et l'homme est devenu familial. Et familial, l'homme avait sa famille, l'homme avait sa connotation sanguine qu'il tenait. Hein? Et lorsque l'homme est devenu encore plus matériel, donc plus terrestre, plus terrien, l'homme est devenu lui-même. Où l'homme était prêt à démolir la famille, parce que lui était plus important que le reste. Mais maintenant que tout ce schéma d'évolution a été fait, l'homme va commencer non pas à redevenir familial, à redevenir national, peuple, à redevenir continental et à redevenir terrien. Cela va se faire, mais d'une façon extrêmement rapide. Présentement, l'homme n'est presque plus continental. Certains êtres sont continentaux, d'autres nationales. Mais la majorité de l'espèce évoluée, disons, de l'espèce la plus consciente de l'homme presque à deux pattes, qui se trouve, disons, surtout en Amérique, est beaucoup plus planétaire qu'elle n'est continentale, qu'elle est nationale. Et l'homme va passer tout ce qu'il a vécu dans l'évolution d'une façon extrêmement rapide dans l'évolution. Exactement comme on a la densification de l'homme dans une forme très, très, très flasque au niveau de l'hyperborée, par exemple. Et lentement, l'homme devient sexué au niveau de la lémurie. Il prend une couleur un peu plus différente. Il devient de moins en moins transparent. Donc, la lumière passe de moins en moins à travers et l'homme voit de plus en plus d'ombre. L'homme devient de plus en plus psychologique. Et toute l'évolution de l'homme, depuis le début de sa vie sur la planète, se retrouve dans l'évolution du fœtus à l'intérieur d'une femme, par exemple. Le fœtus passe par tous les stages de l'évolution de l'homme jusqu'à l'apparition de l'homme. Parce que l'on croit que le fœtus n'est pas évolué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans le monde densifié planétaire. Mais par contre, il peut vivre dans l'eau. Parce que l'homme, à l'époque de l'Atlantide, vivait dans une vapeur d'eau. Et l'homme, à l'époque de la Lémurie, vivait presque dans l'eau. Et lorsque l'homme regarde le fœtus, il dit « yerk ». Mais c'est par sa psychologie. Il le compare à un enfant avec une peau qu'il peut toucher, qu'il peut sentir. Bon, et un enfant vivant, évidemment, avec des cheveux et tout ça. Mais l'homme, présentement, dans le fœtus, donc dans l'utérus de la mère, l'homme, l'enfant qui évolue, répète l'évolution de l'homme, la densification matérielle de l'homme. Et présentement, dans la conscience psychologique de l'individu, l'homme qui va évoluer vers une conscience supramentale, va revivre tous les mécanismes évolutifs collectifs, mais d'une façon extrêmement rapide. Donc, l'homme ne sera plus nationaliste, l'homme ne sera plus familialiste, l'homme ne sera plus quoi que ce soit, l'homme va devenir planétaire, et ce ne sera pas long que l'homme va être extra-planétaire. L'homme aura une conscience extraterrestre. Il devra avoir une conscience extraterrestre. Parce que l'homme, ce n'est pas un être terrestre qui apparaît et qui meurt sur la planète Terre. C'est autre chose, l'homme. Il est d'une autre substance. Mais l'homme, présentement, est assujetti à un plan créé par des formes évolutives, mais expérientielles, c'est-à-dire que l'homme doit expérimenter la matière parce que l'homme vit une expérience. L'homme, il est expérimental. L'homme, il n'expérimente pas la matière pour ses beaux yeux. L'homme, il doit expérimenter la matière parce qu'il est assujetti à une phase expérimentale dans la galaxie et cette phase expérimentale a pour but d'expérimenter la matière. Et les êtres qui sont sur cette planète, qui expérimentent la matière, devront donc expérimenter la matière parce que c'est la planète qui évolue et non pas l'homme. L'homme, c'est une forme d'énergie qui s'identifie dans un corps animal. Mais l'homme, c'est d'autres choses. L'homme, c'est beaucoup plus que cela. Mais pour que l'homme puisse être plus que cela, il devra abandonner cela. Il devra donc abandonner ses mémoires, son expérience, son avidité d'expérimenter, et il devra se redresser debout. Et lorsqu'il sera debout, il pourra commencer une croissance supramentale. Est-ce que toute énergie qui se met en mouvement a besoin d'un récepteur ou de plus dense pour le recevoir? Comme sur la planète Terre. Il faut bien prendre conscience que le Dieu donné à l'homme, quelle que soit son autorité, n'a jamais été autre qu'un Dieu planétaire. Ça n'a jamais été un Dieu martien, un Dieu alpha centaurien, un Dieu de Bételgeuse. Hein? Dans nos cosmogonies, nous ne parlons jamais des autres planètes. Nous parlons, dans la cosmogonie chrétienne, par exemple, dans la cosmogonie juive, dans la cosmogonie de la majorité des religions islamiques ou autres, nous parlons de la planète Terre comme étant le centre de l'univers. Et ésotériquement, c'est-à-dire que dans la galaxie présentement, la planète Terre est réellement le centre de l'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas matériel, ce n'est pas le reste de l'univers qui tourne autour, parce qu'en réalité, on est sur le petit aileron de notre Voie lactée. Hein? On a une galaxie immense et la planète Terre, le Soleil, se trouve à l'extrémité, là où les énergies sont les plus densifiées, et c'est normal. Et il n'y a pas beaucoup de planètes dans notre région qui sont habitées, parce que, par une forme matérielle comme la nôtre, les autres n'expérimentent pas la matière, ils expérimentent d'autres choses, ils attendent après nous autres. Nous devons amener un rapport, c'est-à-dire que l'homme évolue, et à un moment donné, l'expérience de l'homme, l'expérience terrestre, va servir au reste de la galaxie. Et donc, dans nos cosmogonies, nous ne parlons pas des autres planètes, nous ne parlons pas des autres étoiles, nous parlons de la Terre comme étant le centre. Et elle est le centre visuel, le centre où les énergies sont présentement braquées pour donner de l'expérience au genre humain, à l'homme humanisé, et pour donner de l'expérience à la planète Terre qui est un être en évolution. Et cette planète, elle est présentement à la fin de son expérimentation. Donc, dans le cycle de l'âge d'or de l'humanité, où l'alchimie va à un moment donné tendre à disparaître et à s'éteindre parce que l'alchimie va avoir joué son rôle, l'alchimie aura encore un rôle à jouer pendant quelques décennies. Et un rôle extrêmement important, pas juste fabriquer de l'or. On parle de l'âge d'or, c'est-à-dire que l'alchimie tend à mener l'homme vers l'or, vers l'âge d'or, et non pas vers l'or matériel, évidemment. Alors donc, présentement, l'homme est en train de passer la dernière phase, la phase la plus matérielle, la plus dense, même si on a des facilités matérielles. On a des facilités matérielles, pourquoi? Parce que l'homme est tellement matériel qu'il peut contrôler la matière, mais d'une façon matérielle. Et présentement, on est rendu donc à l'apogée de l'involution planétaire, de l'expérimentation planétaire, ce n'était pas de l'involution. Et nous allons virer le carrefour et nous allons commencer à nous relever. Mais évidemment, pendant cette phase où l'homme va se relever, l'homme ne se relèvera pas seulement dans la conscience supramentale, l'homme va se relever dans d'autres consciences. Ce n'est pas tout, la conscience supramentale. Et présentement, disons que l'homme s'en va vers un âge beaucoup plus libéral, beaucoup plus intelligent. Mais évidemment, l'homme aura une nouvelle conscience, une conscience qui ne sera pas reliée à l'expérience mémorielle, mais à l'expérience instantanée. Présentement, l'homme a deux formes de conscience. L'homme a une conscience astrale, une conscience mentale. Et ces deux consciences peuvent s'exprimer à l'intérieur du corps humain par des schémas neurologiques cérébrales que nous connaissons. Mais à un moment donné, l'homme aura une troisième conscience, c'est-à-dire que l'homme aura une troisième vision qui viendra surplomber, qui sera supérieure aux visions planétaires. Et lorsque l'homme aura cela, évidemment, l'homme sera dans une croissance supramentale, l'homme sera un être debout, l'homme sera un surhomme. Et l'idée d'être un surhomme, tout le monde veut devenir autre chose, mais tout le monde a peur d'affirmer qu'il peut devenir autre chose. On le dit pas fort. Je peux me lever debout, mais pour l'instant, disons que je me lèverai bien quand je voudrais. C'est comme quand on veut arrêter de fumer, on arrête. Mais on se rend compte qu'on peut pas. Faisant la cigarette. Cette conscience éthérique, là, est-ce que c'est la conscience de l'éther, ça, oui? Disons que si je me fie à ce que tu me dis, la conscience éthérique, si c'est la conscience de l'éther, qui permet d'aller dans l'éther, je veux dire. Oui, bon, alors l'éther, faut s'entendre, on a de l'éther vital, on a de l'éther supramental. C'est-à-dire que l'éther vital est ce qui permet l'agglomération de la matière physique. Donc, l'éther vital, c'est ce qui permet la matérialisation d'un corps. Et l'éther supramental, c'est aussi ce qui va permettre une matérialisation différente d'un corps supramental, c'est-à-dire d'un corps qui va permettre à l'homme d'avoir une conscience, de vivre dans un autre monde. Dans un monde supramental, dans un monde hors temps, dans un monde qui n'empêchera pas l'homme de continuer l'expérimentation dans la matière tant que cela sera nécessaire. Et automatiquement, l'homme qui aura un corps suffisamment concret, un corps suffisamment créé dans l'éther supramental, se verra donc donner, disons, aussi un cerveau supramental, c'est-à-dire que l'homme aura donc un corps ressemblant, disons, si on peut faire un rapprochement à notre corps planétaire, monsieur Faux, mais l'homme aura quand même un cerveau dans cette nuée supramentale, et de ce fait, l'homme sera donc en contact consciemment avec les énergies supramentales. Donc, l'homme aura Deux corps qui pourront être reliés ensemble, l'homme vivra sur deux plans réellement. Non pas un plan tellement parallèle qu'il est glu collé à notre plan. L'homme ne vivra pas dans un plan de l'astral, du mental, qui sont des plans parallèles très bas. L'homme va vivre dans un plan planétaire et dans un plan extraplanétaire. L'homme va être un terrestre et un extraterrestre. Et dans ce cas-là, l'homme va voir ce que c'est la planète Terre, parce que l'homme aura une conscience extraterrestre en même temps qu'il aura une conscience terrestre. Il connaîtra beaucoup plus que le reste de la galaxie, parce qu'il aura vécu la planète Terre. Et c'est important que l'homme vive la planète Terre. C'est vital. OK, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une pause de 20 minutes. Vous pouvez vous procurer la cassette à ce moment-ci de la première partie avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Et si vous voulez laisser vos questions, les écrire lisiblement ici en avant. On a déjà quelques-unes d'arrivées. Et puis, on y répondra en deuxième partie. Merci beaucoup. Merci.